D'accord, c'est pas grave. On va écouter ce que nous a dit Nadège, écoutez bien. J'ai déposé à la poste le 7 septembre pour 600 euros de chèque. La personne du guichet m'a remis un bon d'euros, enregistré et informatisé. Ces chèques devaient être transmis à la banque et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Les chèques se seraient égarés. Donc on lui a bien dit, vous avez déposé vos chèques, ils se sont égarés, donc tant pis. Alors évidemment, il me fallait la Dream Team. Il y a Blanche Grandvilliers qui fête son grand retour dans l'émission. Bonjour Blanche. Bonjour Julien, bonjour à tous. Du barreau de Paris, il y a le maître Fellono, la Divina. Bonjour à tous. Double négociation, Harvey Pouchol en studio. Bonjour Julien, bonjour Bernard à tous. Bernard Sabat, on l'a entendu, vous écoutez l'émission la plus écoutée entre 9h30 et 11h. Vous êtes sur RTL. Passez un excellent mercredi. Allez, on démarre par Nadège, si vous le voulez bien. Nadège, vous m'entendez? Vous êtes revenue, Nadège, sur l'antenne? Oui, je suis là, pas de soucis. Bon, d'accord. Eh bien, bonjour Nadège, vous nous appelez d'où? J'habite un petit village, Coussors, dans le Nord. Nadège, vous êtes auto-entrepreneur, secrétariat médical. Vous avez déposé un bordereau de remise de chèque, 3 pour environ 600 euros, le 7 septembre dernier, à la poste de votre village. Alors, expliquez, pour ceux qui ne le savent pas, que dans les petits villages où il n'y a peut-être pas de banque, c'est la poste qui s'occupe de les envoyer. Comment ça se passe? Oui, voilà. Donc, on dépose un bordereau de remise de chèque avec donc nos règlements. C'est traité, c'est enregistré sur place informatiquement, puis envoyé par leurs soins à la banque postale de Lille, qui traite donc l'enregistrement et le versement. Ah, vous êtes donc bien à la banque postale. Voilà. D'accord, mais il n'y a pas d'agence dans votre village, donc c'est la poste qui fait office de banque postale et en tout cas qui envoie tout à Lille, on est d'accord? Voilà, c'est ça, tout à bon, fait. Bon, alors, vos chèques se seraient égarés, l'argent n'est toujours pas sur votre compte, vous n'arrêtez pas de téléphoner, vous venez d'envoyer un mail, rien ne bouge. Voilà. Pour vous, il y a un acte de négligence et le comble, c'est qu'on vous demande maintenant de décombler votre découvert qui aurait dû être comblé avec les chèques qu'ils auraient perdu de 600 euros. Voilà, c'est ça, je reçois un courrier disant que, attention, j'ai dépassé le découvert autorisé et à partir d'un certain nombre de jours de découvert que effectivement j'ai des frais. Hein, alors on m'a juste proposé d'agrandir entre guillemets mon découvert autorisé pour pallier aux frais, mais moi ce que je veux c'est mes sous. Évidemment, alors ça fait des jours et des jours que vous appelez votre banque pour avoir des traces du bordereau et à chaque fois voilà ce qui se passe, écoutez bien. Je ne peux pas régulariser les chèques comme ça, il y a un délai respecté. Il faut des preuves, c'est-à-dire le bordereau de chèque. Je voulais envoyer deux fois. Deux reprises. Je ne l'ai pas reçu pour l'instant. Hein, voilà. Donc, tant que je ne le vois pas, je ne peux pas. C'est quand même formidable. On perd mes chèques. J'essaie de vous fournir tout ce qui est nécessaire pour les retrouver. On ne retrouve pas non plus ni fax ni mail. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'abus. Je suis désolée. Je suis vraiment remontée parce que là, ça commence sérieusement à bien faire. Si je m'occupe de votre dossier. Je vois rien avancer. Je suis désolée, madame. Eh bien, voilà. Elle est en colère et je comprends qu'elle soit en colère. Nous allons les appeler. Blanche, j'aimerais votre analyse, s'il vous plaît. Écoutez, Julien, c'est très clair. À partir du moment où vous avez endossé le chèque et que vous l'avez remis, même si c'est la poste qui fait office de banque, elle est propriétaire du chèque. Donc si elle la perd, c'est sa responsabilité. Nous allons donc les appeler maintenant. C'est quand même fou, ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous êtes prêt, mon petit Hervé? Oui, je suis prêt. Allez, on y va pour... Alors, on commence par peut-être par sa poste, je pense. Je ne sais pas si on a le numéro de téléphone. Là, quand vous avez appelé hier, c'est ce que l'on a entendu, Nadège, c'était la banque de Lille ou c'était la poste de votre village? Oui, c'était directement le service 36. 39, hein, oui, mais ceux de Lille vont nous dire on n'a rien reçu, on peut les comprendre, il faudrait peut-être commencer par la poste locale. Moi, oui, je pense. Ça, vous pouvez toujours appeler la poste locale, mais je sais qu'eux ont fait l'enregistrement, ont fait le nécessaire. Bah oui, mais... car le jour où j'ai été envoyé le fax, donc le jeudi après-midi la semaine dernière, elle m'a confirmé que c'était bien à l'écran, que tout avait été transmis. Vérifions quand même. Faisons tous les numéros des auditeurs. Nous sommes le miroir de ce que vous vivez au quotidien dans le 9h30-11h. Nous partons donc à votre poste déjà pour qu'ils nous expliquent ce qui se passe quand ils envoient un chèque et qu'ils n'arrivent pas. Et nous sommes à Coursol. Cet appel est non surtaxé, hors sur coût éventuel selon opérateur. Il peut y avoir un coût éventuel, Blanche Grandvilliers, sachez-le. Aussi bien lors de l'appel téléphonique. Simple, l'objet de votre appel. C'est à vous. Allô, oui, pardon, j'ai pas entendu. J'étais en train de dire des cochonneries à maître Blanche Grandvilliers. Je suis désolé, monsieur ou madame. Allô. Vous devez donner le but de votre appel. Ah. Conseiller. Conseiller. Merci de rester en ligne. Je transfère votre appel. Où est l'argent? Voilà. Et ils comprennent tout, c'est ça qu'il faut. Il est bien d'ailleurs le répondeur de la poste. Nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Il y a une bière qui arrive immédiatement. Si vous ne souhaitez pas que cet appel soit enregistré, merci d'appuyer. Si quelqu'un sonne et vous amène des dessous. Alors, on va évidemment faire comme d'habitude. Dès que quelqu'un va répondre, on le passera sur l'antenne grâce à la petite alerte que voici. ping. Là, on en est où, Hervé? Moi, je suis en train d'essayer de trouver un numéro parce qu'on a un numéro abrégé pour essayer de joindre ce bureau de poste. Donc, on va essayer de les joindre. J'ai essayé de trouver un autre numéro. J'ai trouvé le café de la poste. Oui, Sarah, je vous écoute. Sarah, vous avez quelqu'un? Oui, une conseillère. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Je suis à la poste de Coursol. Les bureaux de poste, ils sont actionnés par téléphone. Bien compris. Allô, j'ai pas entendu ce qu'a dit cette dame. Excusez-moi, madame. Les bureaux de poste, ils sont injoignables par téléphone, monsieur. Ah, le bureau de poste est injoignable par téléphone. Comment qu'on fait alors ? Exactement. Mais je suis où là ? Je parle à qui alors ? C'est ça. C'est service client Colissimo, monsieur. Ah, c'est le service client Colissimo. Waouh ! D'accord. Ok, d'accord. Eh bien, alors c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Vous-même, vous n'avez pas la possibilité éventuellement d'aller me passer quelqu'un ? Malheureusement, non. Non, ok. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, madame. Également, monsieur. Bon, alors, je vous en prie, mais c'est moi qui vous remercie. Donc, nous, c'était le numéro qu'on avait de la poste à Coursol, mais là-bas, ils ne répondent pas, ils envoient ça chez Colissimo. Ça leur fera les pieds de répondre au téléphone, parce que nous, on ne répond pas. Donc, nous allons appeler Lille. C'est parti, on fait le deuxième numéro. Sinon, j'avais le café de la poste à Coursol. Mais pourquoi voulez-vous qu'on appelle le café de la poste? Pourquoi pas prévenir la poste. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est vraiment dernier. La minute plus le prix d'un appel. Donc là, c'est la banque. Qu'a appelé hier Nadège quand vous avez entendu le petit son? Et là, c'est pareil, il faut dire quoi, là? Là, rien. Ça me fatigue, ces répondeurs. Touche, Julien. Un jour, je vais faire un découvert volontaire à la banque et je mettrai un répondeur chez moi pour qu'ils sachent ce que je vis, moi, quand je les appelle. Tu as envie que je paye? Tu en as marre de mon découvert? En terminant par dièse. Oh, ça serait bien, ça. Ah ben oui, mais faut le faire. Mais c'est la célèbre blague. Hein. Désolé, allô, la banque? Oui, j'ai combien sur mon compte? 1000 euros, monsieur. Allô, la banque? J'ai combien sur mon compte? Je viens de vous le dire, monsieur, 1000 euros, ne me rappelez plus. Allô, la banque? J'ai combien sur mon compte? Monsieur, 1000 euros, ça fait 3 fois que vous m'appelez, laissez-moi tranquille. Allô, la banque? Mais arrêtez, pourquoi vous m'appelez tout le temps? Mais moi, quand je suis à découvert, vous m'appelez bien tous les jours. Voilà, c'est exactement comme ça, c'est la même chose. Dès qu'il y a quelqu'un qui répond, s'il vous plaît, vous me le passez sur l'antenne. Le cas duplex va démarrer dans une seconde, sauf si la poste répond. Bon, il est 9h38. Vous écoutez le 9h30-11h. Jeudi, je vous envoie à l'île Maurice dans un resort. Un resort 5 étoiles, le Sofitel Mauritius l'Impérial, avec Corsair. Ça sera demain à gagner dès 9h30. A tout de suite pour l'appel téléphonique. Vous êtes dans le 9h30 d'RTL. 9h30-11h. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de 2 produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. C'est bon, ça tourne ? Ça tourne. Avec le programme Comme J'aime, j'ai perdu 13 kilos. Les avantages du programme Comme J'aime, c'est justement d'avoir des repas équilibrés, bons et variés. Avec mon métier, j'ai vraiment pas le temps de cuisiner. Donc le fait d'avoir les programmes livrés à domicile, c'était vraiment le déclic. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Conditions de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Les professionnels du gaz PG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économie pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économie d'énergie à l'utilisation. 30% d'économie à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation? Waouh! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Le mois Carrefour. Hey, pendant le mois à Carrefour, il y a de nouvelles promos complètement renversantes. Oui, aujourd'hui par exemple, pour l'achat d'un bloc de foie gras mi-cuit de la Maison du Foie Gras, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. C'est parti ! Génial ! Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Bloc de 180 grammes, plusieurs variétés, dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes sur RTL, il est 10h20. Non, là, on est en train de rigoler parce que j'étais en train de parler avec mon technicien réalisateur qui a compris, d'ailleurs, c'est un fin négociateur, comment mettre fin à une discussion. Je lui demande gentiment quelque chose et je lui dis « Xavier, est-ce que tu pourrais ?» Il me fait « Non !» Il ne sait même pas ce que j'allais lui demander. Et effectivement, du coup, eh bien, il passe des journées beaucoup plus tranquilles que les autres. Il fallait que j'enchaîne. Bouchol, alors, il fallait que j'enchaîne. Sinon, il y avait un blanc. Déchaînez-vous les mains, déjà. Et passez-moi un Hervé conseiller Bouchol. Client de La Poste, Julien. Merci Hervé, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Allô, La Poste ? Allô ? Oui, je suis là à la Banque Postale à Lille ? Oui. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL, rassurez-vous, rien de grave. J'aide une auditrice qui est cliente chez vous, qui a déposé 3 chèques et qui a eu le récépissé à la poste de son village. La poste du village vous l'a envoyé, puisque dans ces cas-là, les postes font le lien avec la Banque Postale. Et vous vous dites, nous, on n'a rien reçu, donc on ne crédite pas. Et du coup, vous allez en plus payer le découvert que vous avez. Et ces 3 chèques servaient à payer le découvert. Alors que fait-elle, elle, la pauvre, qui a déposé les chèques à la poste de Coursolles ? Excusez-moi, je vais vous mettre en attente quelques instants, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Je vous en prie. Donc, monsieur va aller chercher un responsable. Mais c'est bien. Voilà, comme ça, on voit comment ça se passe. Donc, quand on appelle La Poste à Coursolles, eh bien, les gens de La Poste n'ont pas le droit de répondre au téléphone. Ils renvoient ça chez ceux de Chronopost, qui, eux, ont le droit de répondre, mais pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec le dossier. Donc, on a appelé La Poste, maintenant, la Banque Postale de Lille, et on a ce charmant monsieur qui nous met en attente. C'est la vie, on fait avec, on est en direct, et on va aller jusqu'au bout. Alors, comme j'ai rentré les identifiants, il savait que c'était une dame. Donc, bien sûr. Il a entendu ma voix, il était un petit peu surpris, et il m'a demandé si j'avais une procuration pour parler, pour aider d'accord. cette dame. Donc, je pense qu'il faut changer votre voix et laisser la parole à Nadège. On va pas commencer à faire des imitations et prendre des voix de femmes. On va voir. De toute façon, ce monsieur a été chercher un responsable qui, à mon avis, on peut lancer des paris. Vous savez, on fait des paris sur le football. D'ailleurs, tiens, en parlant de paris sur le football, l'autre jour, c'était, je leur en veux pas parce que c'est toutes les radios pareilles. J'étais sur, j'ai zappé, je tombe sur une radio concurrente et il y avait une émission de paris, des paris de football. Et il y avait le match, si je ne m'abuse, Lyon-Bordeaux. Ils étaient 8 spécialistes, 8 pros du foot, des pros, des anciens pros qui chacun ont donné le premier, victoire de Lyon avec 3 buts d'écart. Deuxième, victoire de Lyon avec 2 buts d'écart. Troisième, victoire de Lyon. Tous. Et Bordeaux a donc gagné 3-1 là-bas. Les 9 ont donné la victoire de Lyon. Heureusement que j'ai pas parié sur la... Oui. Tout ça pour dire que Bordeaux a enfin gagné un match. Oui, merci beaucoup. Donc, nous attendons d'avoir quelqu'un. Vous êtes en alerte, Hervé Pouchol. Et nous allons donc pouvoir, dans une seconde, lancer le cas numéro 2. C'est un cas voyage. Bernard Sabat, vous êtes toujours sur place. Ça va être à vous bientôt, Bernard. Oui, Julien, je suis caché dans un Porsche. Est-ce que vous m'entendez bien ? Dans une Porsche ? Bah, dis donc, vous avez les moyens. Les moyens ? Sous un Porsche. Ah, sous un Porsche. Bien. Allez, c'est à vous dans quelques instants. On va enchaîner, mais là, on a besoin de se moderniser, de prouver qu'RTL, RTL version 2016, est vraiment au goût du jour. Avec Imani, Don't be so shy. Ne sois pas si timide, Blanche. Laisse-toi aller. Tout va bien, vous êtes sur RTL. Take a breath. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. And

Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque ! Et vive les super pouvoirs d'achat ! Va mon héros, va chez Leclerc. Les Vérandas Rénoval vous offrent une isolation thermique et acoustique exceptionnelle. Agrandissez votre maison avec une Véranda Rénoval, où plaisir et confort sont votre priorité. Du 19 septembre au 8 octobre, jusqu'à 3000 euros offerts sur les 100 premières vérandas chez Rénoval ou sur Rénoval.com. Rénoval, la véranda attitude. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais Le Parisien a envoyé des journalistes dans le métro et pendant une semaine, ils n'ont pas payé, ils ont fraudé. Ouais, je le sais parce que moi-même, j'ai fait une expérience, j'ai volé Le Parisien dans un kiosque, je l'ai lu dedans pendant près d'une semaine et je vous assure que c'est incroyable, il paraît qu'on peut prendre le métro sans... Vous le faites-vous des fois de prendre le métro sans payer ? Non, jamais ? Non, non, ça non, vous avez raison, vous êtes avocate. Ouais. Nous y allons pour ce cas, le cas voyage. Est-ce que j'ai en ligne Donato ? Bonjour Donato. Bonjour Julien. Mais déjà, votre nom fait voyage, je trouve. Oui. C'est vrai? Oui. Donc vous êtes, je suppose, d'origine italienne, Donato? Exactement. Bien, de quelle région étaient vos parents ou vous-même êtes-vous né en Italie? Alors moi-même, mes parents étaient de l'Italie du Sud, dans les Pouilles, et moi-même, je suis né à une centaine de kilomètres de Paris. Donc vos parents étaient dans les Pouilles, et évidemment, vous étiez dans les de votre papa. Alors vous nous appelez pour votre fille qui vient d'accoucher. Elle devait partir pour le Brésil. Elle devait partir pour le Brésil le 25 février dernier, mais comme elle était enceinte, les médecins lui ont fortement déconseillé de s'y rendre à cause du virus Zika. Elle a donc contacter l'agence de voyage pour demander l'annulation et lui envoyer son certificat de grossesse et les recommandations du médecin. Et après plusieurs échanges, il était convenu d'un remboursement le 24 juin dernier. Alors, je vais tout de suite ouvrir une parenthèse puisque Bernard Sabat est notre spécialiste voyage. Bernard, le fait d'être enceinte, est-ce qu'effectivement, ça mérite remboursement ? Non, ce n'est pas parce que vous êtes enceinte que ça mérite remboursement, Julien. Tout simplement, c'est que ce cas de force majeure qui est le virus Zika a amené toutes les personnes enceintes à ne pas prendre l'avion, compris que c'est le virus Zika, mais j'avais une autre question à poser, c'est qu'une femme enceinte, vous voyez, qui pourrait dire, voilà, mon médecin m'interdit de prendre l'avion, Maître Fellono, est-ce que la compagnie pourrait dire, mais ok, il fallait pas prendre de billet, vous saviez que vous étiez enceinte. Donc, Même si on ne savait pas, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une cause de remboursement automatique, il aurait fallu souscrire une assurance qui, à ce moment-là, aurait permis de le faire, mais en l'espèce, l'agence a dit qu'elle remboursait. Donc, moi, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. À partir du moment où on fait une promesse, eh bien, on la tient. Mais rien ne les obligeait à rembourser, c'est exact. Bien, mais là, c'est pour Zika. Hein. Alors, vous vouliez dire sur Zika quelque chose, Bernard ? Oui, ce qui est important à signaler, c'est que toutes les agences de voyage sur Internet, ce qu'on appelle les pure players, mais aussi les agences traditionnelles, ont pris la décision globale de la profession de dire, dans ce cas de figure, on va ou faire un avoir ou rembourser. Ça a été le cas de cette agence en ligne que je vais voir aujourd'hui, mais qui n'a remboursé que les taxes d'aéroport et non pas le billet global. Donc vous vous êtes rendu sur place parce que vous, Donato, ça bloque. Hein. Vous voulez l'objectif, c'est de le remboursement des 480 euros. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre, Donato? Non, après des multiples SMS, messages, depuis le 24 juin où ils m'ont informé qu'ils allaient rembourser, ils ne répondent plus à mes différents mails. Oui, Maître Fellono. Je voulais dire que ce virus Zika, c'est très grave pour les femmes enceintes parce qu'il y a des malformations congénitales à la clé et qu'effectivement, c'est très délicat et que ce sont même aussi pour les femmes qui ont décidé d'arrêter toute contraception et qui ont un projet de grossesse, elles prennent des risques. C'est pour ça que la réaction des agences de voyage est formidable, mais c'est une réaction commerciale. Bien sûr, on y va, Bernard. Vous entrez donc chez Go Voyage, où vous vous trouvez maintenant à Paris. Exactement, Julien, je sonne à la porte d'accueil. Je vois un joli sourire qui m'aperçoit derrière la porte. Ah, c'est ouvert, pardon. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, je voudrais... Se croirait au théâtre ce soir. Bertrand, qui est le responsable du service présent chez Go Voyage. J'ai un souci avec un auditeur. Un problème de... Ça coupe un peu, Bernard. Je vais vous laisser avancer, mais ça coupe un peu. Je suis désolé, Julien, je suis évidemment dans un couloir. Alors là, maintenant, c'est mieux. Allez-y. Là, c'est mieux ? Oui, allez-y, continuez. Vous m'entendez ? Donc, j'ai besoin de voir Bertrand du service après-vente de chez Go Voyage, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Bon, alors dès que Bertrand arrive, vous me faites une petite alerte comme celle que l'on vient d'entendre, car nous revenons du coup sur le cas numéro 1 et les chèques de Nadège déposés à la Poste, qui elle-même les a envoyés à la Banque Postale, mais ils se seraient perdus, bien qu'elle ait un récépissé. Eh bien, on a enfin un conseiller client qui est en train de discuter, parce qu'il ne veut pas discuter avec moi, il discute avec Nadège. Allô, Nadège, m'entendez-vous ? Oui, je suis là. Vous avez pu discuter avec le conseiller de la Banque Postale de Lille ? Ben là, je viens d'avoir quelqu'un au téléphone qui veut me rappeler, qui ne veut pas me parler tout de suite, là. Ah d'accord, parce qu'il ne veut pas, évidemment, il veut vous appeler directement, il ne veut pas, voilà. C'est un malin, qu'on le passe sur l'antenne, mais je lui aurais proposé une maline, je lui aurais proposé d'ailleurs de ne pas être sur l'antenne, puisque c'est les gens qui décident. Ben, laissons-la faire. Nadège, elle vous appelle et vous me rappelez juste après 10 heures pour m'en dire plus. Si vous voulez, d'accord. Vous lui expliquez bien que vous avez un récépissé, donc à partir de là, on est bien d'accord blanche, il n'y a même pas discussion. Il n'y a aucune discussion. Ce qu'on peut peut-être préciser, Julien, pour que tout le monde comprenne, c'est qu'elle a remis les chèques, non pas à sa banque, mais à la poste. C'est pour ça que le montant des chèques n'a pas été crédité, parce que vous savez qu'en principe, quand vous remettez un chèque à votre banque, elle vous, ça s'appelle l'escompte, elle met immédiatement le montant sur votre compte, et puis après, éventuellement, elle peut le contrepasser. Mais là, cette opération n'a pas pu avoir lieu parce que c'était la poste et non pas la banque. On se retrouve juste après les infos. Dès que vous en savez plus, Hervé, vous me faites une alerte. La conseillère était en ligne, donc elle a entendu votre conversation. D'accord. Et là, on va la laisser hors antenne. Bernard, monsieur Bertrand n'est pas encore arrivé, je suppose. Pour le cas du voyage. La demoiselle vient de me dire à l'instant, maintenant que vous me parlez, qu'il serait disponible pour me recevoir, Julien. Ah, c'est super. Eh bien, vous allez au rendez-vous et puis vous nous le passez dès que vous l'avez au rendez-vous. Pendant ce temps-là, donc, on a fait Donato. Donato, on attend l'interlocuteur qui va recevoir Bernard Sabat. On attend un responsable de la banque postale à Lille. Et on va revenir, si vous le voulez bien, dans quelques instants, parce qu'il y a eu des très gros dossiers hier, avant-hier. Et j'ai promis que sur l'antenne d'RTL, on donnerait des nouvelles. Donc, on va le faire. Vous allez rester avec nous et vous allez voir que cette émission s'écoute comme un feuilleton quotidien de 9h30 11h sur RTL. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui ? Akhéna, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akhéna règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akhéna s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akhéna ? Chez vous, bien sûr. Akhéna, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akhéna. Rendez-vous sur akhenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akhéna, la reine des vérandas. Intersport. Chloé, je sais qu'en ce moment c'est girl power chez Intersport, mais tu veux pas enlever tes chaussures de sport là ? Oh non, elles sont super légères et trop confortables. Oui, mais là Chloé... Là quoi ? Bah là on est au lit. Dès le 14 septembre, c'est le girl power chez Intersport. Les chaussures femmes Nike Air Relentless 6 sont à 48,99€ au lieu de 69,99€, soit 30% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Au salon du véhicule des loisirs. Dis donc, c'est toujours d'actualité ton projet d'acheter une caravane ? Mais absolument, surtout qu'il y a des nouvelles caravanes vraiment top. Hein. Alors va au salon international des camping-cars, caravanes et mobil-homes de Paris-le-Bourget. Là-bas, t'es sûr de voir toutes les nouveautés. Évidemment que j'ai prévu d'y aller. Et toi ? Ah, moi aussi, mais nous on y va pour les fourgons aménagés. Ah ouais ? Bah chacun son truc. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez le plus grand choix en France de camping-cars, caravanes et mobil-homes au Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Je rappelle qu'il y a deux cas en cours. Il va y avoir donc du nouveau et des alertes juste après les infos. Et je vais vous donner des nouvelles de la maison incendiée avec cette personne qui se trouve avec trois enfants et qui ne sait pas où se loger. Une réunion a eu lieu hier et nous en saurons plus dans quelques instants. Vous avez choisi la radio préférée des Français, RTL, l'émission la plus écoutée entre 9h30 et 11h. Merci d'être avec nous, bon mercredi. À la seconde près, les 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Rendre la scolarité obligatoire de 3 ans à 18 ans, c'est ce que veut la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, pour éviter le décrochage scolaire et éviter d'avoir des jeunes sans aucune formation qui n'arrivent pas ensuite à trouver du travail. Actuellement, la scolarité est obligatoire de 6 ans à 16 ans, mais dans les faits, 98% des enfants vont à l'école dès 3 ans. En revanche, prolonger la scolarité jusqu'à 18 ans, cela voudrait dire accueillir entre 80 000 et 100 000 jeunes supplémentaires dans les structures scolaires et il faudrait 5 000 à 7 000 professeurs supplémentaires. Garde à vue prolongée ce matin pour les 8 hommes interpellés dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet à Nice. Les vérifications se poursuivent, indiquent les policiers. Ils n'ont pour le moment aucune certitude sur l'éventuelle complicité de ces hommes qui gravitaient dans l'entourage du tueur au camion. Ils sont tous tunisiens et l'un dispose de la double nationalité italienne. Leurs ordinateurs et téléphones ont été saisis. Les gardes à vue peuvent durer au maximum jusqu'à vendredi après-midi. La gendarmerie va recruter 2300 personnes de plus cette année, du jamais vu, fait remarquer le général Richard Lizuret, le numéro 1 de la gendarmerie nationale française. Il y aura aussi du matériel supplémentaire, 3000 véhicules, des armes et des gilets pare-balles. Le navire de guerre égyptien Anwar El Sadat, deuxième navire Mistral à destination de l'Égypte, a quitté ce matin le port de Saint-Nazaire. Ce porte-hélicoptère avait été initialement construit par les chantiers SCX de Saint-Nazaire pour les Russes. Mais après le conflit en Ukraine, la France a refusé de le vendre à Moscou. C'est donc l'Égypte qui a fini par acheter ces deux Mistral. Celui qui est sorti ce matin du port à 8h a pris le large avec à son bord 180 marins égyptiens. Il est attendu le 1er octobre à Alexandrie. En Syrie, deux infirmiers et deux ambulanciers d'une ONG ont été tués cette nuit dans un raid aérien qui a touché un centre médical dans le sud de la province d'Alep. Le bombardement visait des rebelles qui se trouvaient aussi sur place. Dans 17 minutes, les sirènes vont retentir à Toulouse sur le site de l'ancienne usine AZF où une explosion a fait 31 morts. Il y a tout juste 15 ans. Il y a eu également 2500 blessés dans cette partie de la ville. Plusieurs cérémonies sont organisées aujourd'hui. Une minute de silence sera respectée à 10h30. La Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, plus 1,16%. Et cette tendance à la hausse se poursuit. Le CAC 40 tourne autour de 4440 points. La météo du jour, belle amélioration, le soleil s'impose après les brouillards matinaux, deux exceptions, des averses orageuses en Corse et des nuages qui arriveront en fin de journée par la Bretagne et le Cotentin. Pour les températures, on attend cet après-midi 19 degrés à Brest, 21 au Havre, à Strasbourg, à Lyon, 22 degrés à Lille et Paris, 24 à Nantes et à Nice, 25 à Toulouse et Marseille, 26 à Nîmes comme à Bordeaux et jusqu'à 27 degrés à Perpignan. Les courses au Croisé-la-Roche dans le Nord, les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet cet après-midi. Attention, le 4 est non partant. Bernard vous conseille de jouer le 7, le 6, l'As, le 2, le 9, le 3, le 13 et le 5. La dernière minute, c'est l'As Rocky Winner. Il est 10h03, vous êtes sur RTL avec bien sûr Julien Courbet. C'est lui notre winner. Ah, c'est gentil ça. Merci, à tout à l'heure 11h Marie. Je rappelle qu'il y a eu des cas incroyables ce matin. Voici le premier que nous avons traité. Écoutez bien. J'ai déposé à la poste le 7 septembre pour 600 euros de chèques. La personne du guichet m'a remis un bordereau enregistré et informatisé. Ces chèques devaient être transmis à la banque et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Les chèques se seraient égarés. Nous avons appelé la poste, ils ne peuvent pas nous parler. Nous avons appelé la banque postale de Lille, nous avons eu un interlocuteur qui nous a passé une dame. Mais la dame ne voulait pas parler sur l'antenne. Elle devait donc appeler directement l'auditrice. Où en est-on, Hervé Pouchon? Bah, ça a duré quand même 25 minutes. Et là, la jeune femme a refusé, même hors antenne, de parler à sa cliente. Donc on a raccroché et je vais faire un point avec notre auditrice dans quelques minutes. Et nous allons appeler la direction de la poste. C'est quand même incroyable que personne ne parle là-bas ou alors qu'on nous envoie directement vers celui qui parle. Parce qu'elle, en attendant, elle a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la cabeça puisqu'elle risque de se prendre un découvert avec toutes les conséquences qui vont avec Blanche. Exactement, et la banque lui a déjà écrit en lui demandant de résorber le découvert, sachant que quand même ces trois chèques représentaient la moitié de son salaire. Donc c'est tout pas à une fait. Petite somme. Donato nous a laissé un message pour sa fille. Ma fille doit se faire rembourser 480 euros par une agence de voyage. Elle a eu une confirmation en juin dernier par mail, mais depuis, il n'y a plus de virement à l'horizon. Bernard Sabat est en duplex, il devait être reçu. Il est en duplex chez GoVoyage par un interlocuteur. Bernard ? Je suis avec lui, je suis avec Bertrand. D'accord. Est-ce que, éventuellement, bonjour, si vous êtes avec Bertrand, bonjour Bertrand. Bertrand, vous êtes sur le portable de Bernard Sabat ? Exactement. Alors déjà Bertrand, si j'ai un conseil à vous donner, posez-le parce que c'est certainement un portable volé, vous pourriez être accusé de recel. Mais si on pouvait s'appeler sur une ligne fixe, ça serait formidable parce qu'on n'entend que moyennement. D'accord. C'est possible. Bernard, vous avez le numéro du studio, vous le donnez à Bertrand et on avance avec lui. Merci. Le temps que Bernard et Bertrand nous appellent dans le studio, c'est-à-dire dans les minutes qui viennent, comme je vous l'ai promis, nous allons revenir sur les cas les plus importants qui n'ont pas été traités. On ne règle pas les problèmes tous, on essaie pour certains le jour même. On vous ment pas et l'après-midi, on continue, on se bat. Et hier, il y a eu une histoire qui nous a vraiment touchés. C'est Salima qui nous avait dit ceci. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Elle nous avait dit « Ma maison a pris feu ce samedi 10 septembre. L'assurance était Swiss Life. L'assistance m'a payé l'hôtel 3 jours. » Mais la maison, vous imaginez bien qu'on ne peut pas la reconstruire en 3 jours. Mais maintenant, je suis à la rue. Donc, 3 enfants dont un handicapé. Ce qu'on sait, Maître Fellono, c'est que la mairie de Bondy a fait son boulot immédiatement. Elle lui a dit « On a un appartement pour vous, il faut juste payer le loyer. » que Salima, elle est d'accord pour payer le loyer, évidemment, mais elle dit, je ne peux pas payer un nouveau loyer et le crédit de ma maison, on n'a pas les moyens. Donc, est-ce que mon assurance va me payer le loyer ? Effectivement, je rappelle que l'assurance n'a pas d'obligation de vous reloger. En revanche, elle indemnise tous les frais exposés pour que vous puissiez vous reloger, non seulement le logement, mais les habits, tout ce qu'il y a comme minimum vital et dont on a besoin immédiatement. Hier, nous avons appelé la Swiss Life et vous avez pu organiser, un rendez-vous a été organisé, racontez-nous Sarah. Alors un rendez-vous a été organisé, excusez-moi, un rendez-vous a été organisé effectivement entre Salima et la mairie. Elle va vous raconter elle-même ce qui s'est passé lors de son rendez-vous. Super Salima, vous êtes là ? Bonjour. Comment ça va Salima ? Bah ça va. Alors dites-moi en deux mots comment ça s'est passé le rendez-vous ? Donc super, à la mairie ils ont agi très rapidement, ils nous ont trouvé un T4. Donc adapté à l'handicap de ma fille. Génial. Génial, avec ascenseur. Et bon, le loyer il est à 1000 euros. J'arrive pas à joindre. Enfin, Swiss Life, ils m'ont clairement dit d'arrêter d'appeler. J'ai appelé 37 fois. Je veux des informations. Je veux de la visibilité. Donc vous ne savez toujours pas si Swiss Life va prendre en charge le loyer de l'appartement de Bondy. Voilà. D'accord, je pensais que la réunion, moi, c'était ça qui allait avancer, mais en fait, rien n'avançait. Non, ils devaient m'appeler hier, ils se sont engagés auprès de ça. Voilà, ils se sont engagés à appeler hier, ils ne l'ont pas fait. Mais hier, vous avez eu la confirmation, c'était ça la réunion, qu'il y avait bien un appartement pour vous de type T4 avec vos trois enfants. On est d'accord, Sarah. Voilà. Et moi, de mon côté, j'ai eu ma petite réunion justement avec l'assurance. Alors, ils m'ont expliqué déjà qu'il y a deux versements en cours concernant la remise en état de la maison. C'est très intéressant. Un premier versement, écoutez bien, de 2500, initié le 14 excusez-moi, mais 2500 euros, quand on voit les photos, je ne sais pas si elles ont été réactualisées sur Facebook et qu'elles sont complètement cramées. Ok, c'est bien, mais c'est rien du tout. Je ne sais pas ce que vous faites avec 2500 euros. Mais il y a le deuxième qui arrive de 10 000 euros. Et bien sûr, il y aura la suite. Et ensuite, et là c'est encourageant, notre proposition de contact à la mairie pour un relogement dès le 14 septembre. Donc moi, je dois voir avec eux pour avoir une confirmation. Mais logiquement, il y a la prise en charge, Julien. Du loyer. D'accord. Donc écoutez, vraiment, là on avance Salima. Normalement, il devrait y avoir la prise en charge. Je ne vous dis pas que c'est du béton, je mets ça au conditionnel. Je ne voudrais pas vous faire de fausses joies, mais ça semblerait peut-être bien parti. Alors, la provision, qui s'appelle une provision d'urgence, que Salima a reçue avec ses deux virement, ça sert justement à se payer encore un hôtel, à commencer à faire les premières prises en charge pour habiter dans cet appartement provisoire. Et effectivement, là pour l'instant, rien ne s'est passé au niveau travaux, parce qu'il faut d'abord faire les expertises, que le montant soit contradictoirement arrêté, et à ce moment-là, après, les travaux pourront commencer. C'est pas demain la veille, il faut prendre sa patience, évidemment, il faut prendre patience. Sarah, vous pensez avoir du nouveau quand, s'il vous plaît ? Dans la matinée, Julien. Génial, ça veut dire demain matin, Salima, 9h30, ou en tout cas pendant le 9h30, 11h, je vous donne de nouveau des nouvelles de votre cas. D'ailleurs, d'accord Salima ? Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, écoutez, merci normalement, beaucoup. On merci devrait Sarah. S'en sortir. Mais oui, merci Sarah, merci tout le monde, Salima. On se serre les coudes et puis on a la chance d'avoir une assurance qui ouvre ses mains à ses abonnés, à ses clients. J'ai bien surnommé cette assurance dont je vante maintenant les mairies. Je suis à la Swiss Life. Qui rembourse lorsque ça brûle. Oh, Will Swiss Life. Allez, on va se retrouver dans une seconde. Ah, j'ai oublié de vous dire. On revient sur le cas de Geneviève de Fontenay tout à l'heure. Je... Vous vous rendez compte que ça fait maintenant des mois et des mois. Alors, tout le monde était d'accord pour son problème, sauf une personne. Comme dirait Nicolas Sarkozy, un irréductible gaulois qui refuse maintenant de lui donner son portail. Donc, nous allons avancer. Et puis, on vous donne aussi des nouvelles de Marion. Marion, c'est l'inondation. Une première fois, elle n'a pas de chance. C'est pas une inondation qui vient du voisin, c'est une inondation naturelle. Des orages. Puis une deuxième, et elle aussi, elle n'arrivait pas à se faire rembourser. Tout ceci, c'est dans quelques instants sur RTL. Vous avez vu comme ça bouge, Blanche de Grandvilliers. J'aurais du mal à suivre. Souvent, quand c'est là, ça bouge de tous les côtés. C'est pour ça qu'elle s'habille avec le moins de tissu possible, parce qu'elle sait qu'elle va avoir très chaud. Et du coup, elle se dit, quand je vis à la radio, ça bouge tellement que... Et elle n'est pas bête. Prochaine fois, je vais en burqa. Bien malin, celui qui est capable de dire où est le tissu. Il y en a, on sait. Je cherche depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas où il est. A tout de suite sur RTL. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi ? Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc. En ce moment chez Leclerc, avec les super pouvoirs d'achat, 50% de réduction immédiate sur les capsules de café L'Or Espresso. Mais non. Ah si, avec au choix Forza, Splendente, Delicioso, Supremo ou Ristretto en boîte de vin. Du 20 au 24 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. La boîte de 20 capsules de café L'Or Espresso, variété au choix, avec 50% de réduction immédiate, est à 2,35€ après réduction, voire conditions dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Découvrez une nouvelle enquête de l'inspecteur Higgins, La malédiction de Toutankhamon. L'inspecteur Higgins de Christian Jacques, un personnage irrésistible au cœur de Scotland Yard. Une série palpitante, J-Edition XO. XO, lire pour le plaisir. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99€ par mois. Alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99€ par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiac jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Toutes les lignes sont occupées chez nous car ça téléphone de tous les côtés. J'aimerais que l'on revienne une toute petite seconde sur le cas de cette dame qui a déposé ses chèques à la poste puisqu'elle est à la banque postale, mais dans son village il n'y a pas de banque postale et la poste se charge de les envoyer à Lille, là où se trouve sa banque postale. Elle a un récépissé de dépôt de chèques et pourtant les chèques se sont perdus. On lui dit aujourd'hui vous allez payer le découvert. Il y a une dame tout à l'heure qui refusait de parler mais qui a promis d'appeler l'auditrice. Elle ne l'a pas rappelé, donc du coup là aujourd'hui maintenant c'est statu quo. Bah, il est 10h13, elle devait la rappeler immédiatement, donc on a raccroché les lignes et elle m'a donné sa parole comme quoi elle l'a rappelé. Bon. 10h13, Nadège est en ligne, elle n'a pas d'appel. Elle ne vous a toujours pas appelé? Non, j'ai toujours rien du tout. Alors nous rappelons la banque postale de Lille, Hervé Pouchol, s'il vous plaît, et vous passez tous les barrages de rentrer les numéros de compte et compagnie, et dès que vous avez quelqu'un, vous me faites une alerte. Nous continuons avec les gros feuilletons du quotidien. Le deuxième, c'est celui de Marion. Marion nous a dit ceci sur l'antenne d'RTL dans le 9h30-11h. On paye des assurances pour ça, et quand on subit une inondation, il n'y a plus personne. Ou alors, on fait tout pour gagner du temps. Aujourd'hui, je ne peux plus habiter chez moi, et personne ne me touche. Marion est-elle en ligne avec moi? Bonjour Marion. Oui, bonjour. Ça va Marion? Bien, et vous? Bon, très très bien, merci. Marion, donc, a priori, Pacifica faisait son possible pour qu'un expert soit au rendez-vous demain, puisque le problème, c'est que l'assurance avait trouvé un expert pour une expertise qui devait avoir lieu le 22, puisqu'il y a urgence, elle ne peut pas quitter sa maison, Marion, parce qu'elle a des animaux. Donc, elle vit dans la maison inondée. Et il fallait l'expert de l'assistance juridique, voilà, pour l'assurer. Et elle, l'assistance juridique, elle dit, j'en ai pas le 22. Alors, hier, on a mis un peu la pression, on disait, si on repousse encore l'expertise, c'est une catastrophe. Alors, est-ce qu'on a du nouveau à me donner, Marion, s'il vous plaît? Alors oui, donc hier, j'ai Sarah qui m'a rappelé pour savoir si j'avais eu des nouvelles de l'assurance. À ce moment-là, ce n'était pas le cas. Ils m'ont rappelé un quart d'heure après pour me dire qu'ils avaient trouvé un expert qui viendra donc le 22. Le cabinet d'expertise m'a rappelé ce matin pour bien reconfirmer avec moi. C'est génial. Voilà, Sarah, vous confirmez, donc vous avez eu tout ça? Je confirme, ils m'ont bien appelé dans l'après-midi. Et ce n'est pas un expert, ça sera deux experts et c'est demain. Donc tout va rentrer dans l'ordre et le dossier va avancer. Demain, on est jeudi. Donc ce qui serait bien, si ça a lieu pendant le 9h30-11h, je vous demanderai, Marion, de nous appeler pour nous dire ce que disent les experts. Si ça déborde un peu, on se fait ça vendredi matin. Vous suivez ça, Sarah? Oui, Julien, de très près. Donc Marion, c'est demain ou après-demain. Merci Marion, je vous fais un gros bisou et bravo quand même à ce monsieur de Pacifica. Hein, voilà, on lui a mis un peu la pression, j'en suis vraiment désolé, on n'aime pas faire ça, mais on ne le fait que quand il y a des situations d'urgence et il a fini par trouver un expert. Donc bravo à lui, je ne me rappelle plus son nom, si quelqu'un s'en rappelle, c'est le moment de le placer, sinon taisez-vous à jamais. Schaeffer, Monsieur Schaeffer, bravo Monsieur Schaeffer. Vous, Hervé Pouchol, vous venez de me faire une petite alerte, coquin. Vous m'avez demandé de rappeler la poste postale, le centre financier de Lille. La jeune femme est en ligne, mais elle ne veut pas me parler. Alors madame de Lille, je sais que vous n'allez pas me parler, mais si vous pouviez nous passer quelqu'un à la direction pour nous parler, parce que là, il y a quand même une auditrice qui se fait un peu balader, qui a déposé des chèques qui ont été perdus. Mais non, mais je voudrais déjà parler à la dame pour qu'elle s'identifie. Mais je peux vous la passer hors antenne sans être sur l'antenne, madame. Il suffit de lui parler. Je vais appuyer sur un bouton, je vous jure que vous ne serez plus à l'antenne. D'accord? Ah, d'accord. Alors, je compte jusqu'à 3. À 3, vous n'êtes plus à l'antenne, vous avez ma parole. De toute façon, si jamais vous l'étiez, vous pourrez me faire un procès, puisque des millions de gens vont l'écouter. Ah non, mais j'ai pas...

Un grand standard signé Billy Joel sur RTL. J'accueille maintenant sur l'antenne d'RTL Geneviève de Fontenay. Geneviève, bonjour. Bonjour mon cher Julien. Bonjour. Vous êtes Geneviève. Vraiment le sauveur des affligés. Bah, écoutez, je ne suis pas le sauveur, mais en tout cas, votre cas est vraiment compliqué. Je pensais que ça serait plus simple. Je rappelle que vous vivez dans une copropriété où vous êtes locataire. Et un jour, vous avez un immeuble qui est un peu excentré, donc il y avait une petite route privée, donc qui appartient à la copropriété, qui menait jusqu'à votre immeuble, ce qui vous permettait de descendre vos courses, ce qui permettait par exemple à votre voisin, en cas de coup dur qui ne peut pas se déplacer, d'y accéder en voiture, quitte à aller la regarder ailleurs. Vous vouliez tout ce que vous demandez, c'est un arrêt minute. Et un jour, quelqu'un a décidé que plus personne ne montrait, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut aller se garer dans la rue, et les personnes qui ont du mal à se déplacer doivent se taper toute la montée, etc. Et vous avez même assisté à une scène où votre propre voisin, donc, qui est très affaibli, a dû se faire porter sur une chaise, c'est ça, puisque l'ambulance n'avait pas, il n'y avait pas d'entrée, l'ambulance n'avait d'ailleurs, pas le droit d'entrée. Il est décédé peu de temps après. Écoutez, j'espère que ce n'est pas à cause de ça. Ça a été sa dernière descente, oui. Bon, mais là, il a fait une montée en attendant. Geneviève, on va parler de choses maintenant, on va essayer d'avancer. Donc, aujourd'hui, nous avons cherché à savoir qui était le propriétaire. Et le propriétaire, ça tombe bien, parce que ce sont des gens avec qui nous travaillons assez régulièrement sur les cas, c'était le RSI, qui s'est vraiment battu, il y avait Next City. Il n'y a aucun problème avec eux, aucun. Voilà. Donc, eux, ils se disent aujourd'hui, si je ne m'abuse, on est prêt à payer un petit portail automatisé avec un bip, tout ce qu'il faut. Et il y a, ça on vient de l'apprendre, une personne, maintenant que tout le monde est d'accord, qui bloque. C'est un monsieur, donc on ne va pas donner son nom tout de suite, mais ce monsieur, qui est-il exactement, Geneviève ? Eh bien, il est président du conseil syndical de copropriété. Pourquoi bloque-t-il ? Quel est le problème pour lui ? Il prétend qu'il faut que nous alignions sur le règlement général de la résidence. La résidence principale comprend 6 immeubles de A jusqu'à F, dont les locataires accèdent directement du parking dans leur propriété avec les ascenseurs, alors que nous, avec cet immeuble qui a été construit après, d'ailleurs sans parking, et auquel on accède avec une côte qui est quand même vraiment dure. Et quand j'ai loué en 89, je suis là depuis 89, c'était acquis avec le loyer. Ça faisait partie du loyer, on pouvait monter avec nos voitures. Donc lui, il dit, je ne veux pas toucher au règlement, pas d'exception. C'est-à-dire que même si c'est aberrant, même si les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer ne peuvent pas monter. C'est moi la plus âgée dans l'immeuble en plus. C'est moi qui ai 84 ans, vous le savez, tout le monde l'a dit, et ben c'est moi qui est quand même, je suis aussi concerné, parce que je suis là depuis 30 ans, mais j'ai 30 ans de plus aussi. J'ai 2 prothèses de hanche, si jamais je me casse la figure un jour, ce sera pas drôle pour personne. Bien sûr. Et donc, elle demandait juste... Il est bloqué, je n'ai jamais eu de contact avec lui depuis que je suis là. Ils ont décidé un jour de supprimer l'accès à notre immeuble, et là, je lui ai fait porter un mot en disant que je souhaitais sa bienveillante compréhension, que je voulais une conciliation vraiment qui nous permette d'arrêter ça. Apparemment, il n'a pas répondu. Geneviève, comme j'ai vraiment besoin d'avancer, j'ai une question à poser aux avocates. A-t-il vraiment, à ce point, le pouvoir, ce président de la copropriété, par rapport au propriétaire de l'immeuble ? Bon, alors, ce qui se passe, c'est que le RSI qu'on a cité tout à l'heure n'est pas propriétaire de l'intégralité de la résidence. Donc, il n'est pas le seul décisionnaire. Et visiblement, il y a une assemblée générale de copropriétaires qui doit statuer sur ce point-là. Ce que je viens d'entendre de la bouche de Geneviève, c'est que visiblement, cette décision de réouvrir de cette grille et cet accès à ce dernier immeuble imposerait une modification du règlement de copropriété. Alors là, il y a des règles de vote qui doivent être respectées. Je vous avoue très franchement que là, je ne peux pas vous dire si c'est l'unanimité ou pas, mais en tout cas, il y a un vote et ce n'est pas une personne qui peut tout bloquer. Geneviève, je vais marquer une pause et on va appeler après. Est-ce que les autres, dites-moi oui ou non, est-ce que les autres copropriétaires sont OK ou pas ? Mais de toute façon, moi je ne connais pas les autres copropriétaires. Ouais, d'accord, vous ne savez pas. D'accord. On est 7 locataires là, au 1 rue de Béarn, c'est là où nous sommes, au 1 rue de Béarn, parce qu'en plus, l'entrée de la principale résidence, elle est rue Feudon. D'accord. Geneviève, rentrons pas dans ce genre de détails. Les gens ne savent pas où ça se trouve. On va l'appeler dans une seconde. Restez en ligne, Geneviève. On va essayer d'avancer là-dessus. Il y a eu une alerte, Hervé Pouchol, sur quel cas ? Sur le cas de Nadège, qui est auto-entrepreneur en secrétariat médical. Eh bien, elle est en guerre contre la poste. Et là, on a d'énormes difficultés depuis une heure pour joindre un conseiller. Là, il y a une conseillère qui vient de lui dire : écoutez, la conseillère qui s'occupe de votre dossier est absente le mercredi. Donc, moi, je peux rien faire. Et on tourne en rond depuis une heure. Et vraiment, cette dernière. Il faut appeler la direction parce que c'est très désagréable. Elle peut vous le confirmer. C'est vraiment Nadège, vous me le confirmez ça ? Ah oui, tout à fait, oui. Elle vous a dit donc, comme la dame nuée n'est pas là, elle prend son mercredi, on ne peut pas régler votre problème. Voilà, exactement. Alors elle a dit qu'elle pouvait prendre en charge le dossier, mais qu'il fallait qu'elle reprenne tout à zéro en gros. On essaie d'avoir un responsable, s'il vous plaît. On lance l'appel pour Geneviève de Fontenay juste après ceci sur RTL dans le 9h30-11h. RTL. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Les professionnels du CASPG. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économies pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économies d'énergie à l'utilisation. 30% d'économies à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation ? Waouh ! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Salut, moi c'est Lucas. Lucas Dubol, oui, je sais. Et Dubol, j'en ai. De quoi remplir une armoire. Hier, je démarre ma Citroën et là, le fameux message. Toi, va faire réviser ta voiture. Du coup, je prends rendez-vous sur Citroën.fr et sur le site, qu'est-ce que je vois pas ? Avec l'opération Soyez malin et faites le plein, plus j'entretiens ma voiture, plus on m'offre du carburant. Ça va jusqu'à 280€. Là, c'est plus Dubol, c'est un bidon. Et moi, je dis merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. Dépêchez-vous, ça commence! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99 litres, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez Geneviève, c'est parti, nous appelons donc 7 personnes et on appellera après le RSI parce qu'on ne comprend pas comment une seule personne puisse bloquer. Puis il faut que tout le monde soit maintenant conscient que s'il arrive quelque chose, parce qu'un jour ou l'autre il arrivera quelque chose, on ne peut pas, peut-être pas, et je le souhaite le plus tard possible, mais à un moment donné ça sera vraiment compliqué de monter. Nous sommes pratiquement emprisonnés, on est emprisonnés. Notre voiture qui est au parking principal, bah, de toute façon on est obligé de sortir de l'immeuble pour monter chez nous. On ne peut pas monter une charge, des bouteilles, des trucs lourds, on ne peut pas. On a la voiture à côté et on ne peut pas s'en servir. Je comprends. Et on ne peut même pas se faire livrer. Donc c'est non. Alors on a des gens qui sont gentils, des commerçants qui... Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 09. Je laisse un message. On remet, s'il vous plaît. 89, veuillez laisser un message après le bip sonore. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Bonjour Monsieur Dauphagne. Monsieur Dauphagne, je sais que vous êtes président de la copropriété de la résidence où habite Geneviève de Fontenay. Nous essayons de comprendre son cas. Nous le traitons depuis quelques temps sur RTL et ça devient très compliqué pour elle. Apparemment, il semblerait que même le propriétaire de l'immeuble serait prêt à financer des travaux et que vous bloqueriez, je mets ça au conditionnel, vous ne voulez pas changer le règlement de copropriété. Pouvez-vous me confirmer ceci ? Peut-on se parler pour essayer d'avancer intelligemment dans ce dossier pour qu'elle ne se retrouve pas à un moment donné complètement bloquée ? Ok, et j'ai elle et les autres d'ailleurs, et voilà, si on peut avoir des explications, monsieur Dauphagne, merci beaucoup. Donc je rappelle qu'il s'agit de la résidence Feudon-Béarn à Saint-Cloud. Donc de notre côté maintenant, on va, voilà ce que je vous propose Geneviève, on va essayer tous les jours d'en reparler. Parce que il faut maintenant que ça bouge. Parce que je trouve ça tellement stupide. C'est un abruti. Je sais pas, ça je vous laisse la responsabilité. Ah, mais je le dis, parce que franchement, pour se comporter de cette façon, je ne comprends pas. Comment il n'a même pas la politesse quand même de répondre. Même mais il y a des fois, enfin franchement, il y a des fois, il ne faut pas s'étonner après que les gens se tapent dessus et qu'il y ait la guerre partout. Parce que je vais vous parler d'un cas que nous avons traité, Alain Hazard le connaît bien, d'une dame qui était locataire dans un immeuble. Et comme son propre propriétaire n'avait pas payé les charges, on a bloqué à cette dame qui avait 90 ans l'ascenseur pour aller à son étage. Et on lui a dit, mais j'y suis pour rien. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais payer, moi, les charges du propriétaire. Et on lui a dit, non, c'est à lui de payer. Et la pauvre, 90 ans, était au 3 ou 4e étage. Elle mettait, on l'avait suivi, elle mettait, je crois, 15 minutes pour monter, parce qu'elle est obligée de s'arrêter toutes les 5 marches pour souffler. Et il y a des gens, ça leur pose aucun problème. Et je ne vois pas pourquoi ce monsieur, mais il a certainement une explication, que je lui demande de m'appeler. Ce monsieur Dauphine, en quoi, si tout le monde paie? Parce que si encore il fallait payer, les locataires disent, on n'aurait pas à payer pour Geneviève de Fontenay, je pourrais comprendre, mais là, c'est même pas une question d'argent, c'est juste pour dire non, qu'elle se démerde, elle monte toute seule, etc. Donc, s'ils le font, on fera une pétition. On ose espérer, Julien, que c'est juste peut-être une question de procédure, une modification du règlement de copropriété. Mais dans ce cas, il faut que ça avance. Il peut très bien y avoir une assemblée générale extraordinaire pour le faire voter. Bon, et puis, on va revenir sur les propriétaires, parce qu'après tout, nous, on se demande pourquoi les propriétaires, Maître Félodeau, ne peuvent pas essayer de faire bouger les choses. Oui, parce que moi, je pense quand même que tout se résout par un vote, parce qu'effectivement, la copropriété, c'est un peu le reflet de notre société. C'est très démocratique, il y a des règles, et on décide, au moins, d'un vote. Alors, je ne sais pas si ça a été mis à l'ordre du jour, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là. Ce monsieur qui est président du conseil syndical et copropriétaire doit être très au fait de la question. Moi, j'ai hâte de pouvoir m'entretenir avec lui. Le RSI, c'est une chose formidable, ils sont propriétaires d'immeubles, tant mieux pour eux, je suis très content. J'espère vraiment que Jean-Philippe Naudon, le médiateur national du RSI, va nous écouter, mais on va y revenir maintenant tous les jours, parce qu'il y en a marre que ça traîne et c'est tellement illogique qu'on ne laissera pas traîner ça. Donc Geneviève, j'attends que monsieur Dauphine nous rappelle, et s'il le faut, et bien on va remettre ça demain à l'ordre du jour. Julien, je suis persuadé qu'il n'a jamais monté la côte. Il n'a jamais peut-être monté. Peut-être, oui. Non, mais nous, on l'a vu. Il y a d'ailleurs une petite vidéo que Marie va nous retrouver, qu'avait fait Le Parisien, qu'on va mettre sur Facebook, où vous montrez bien ce que vous êtes obligé de vous taper avec vos courses, etc. Ça devient vraiment pénible. Vous savez, quand j'arrive, souvent, j'ai les larmes aux yeux. Mais je comprends. Et comment on en est arrivé là, alors que c'est une résidence agréable? J'espère finir mes jours là, et on nous empoisonne là, pour quelque chose de ridicule. Et à un moment donné, on demandera à tous les auditeurs d'RTL de signer une pétition, d'alerter tout le monde. On ira dans la rue, s'il le faut, pour vous, Geneviève de Fontenay. Sachez-le. Finale, le portail de Geneviève. Geneviève, on va vous aider, vous inquiétez pas. On remet ça demain. Je suis confiante, mon cher Julien. Je vous fais un gros bisou. Je ne pourrai jamais vous remercier. Mais vous n'avez pas à me remercier. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui ont du cœur et qui pensent aux autres. Quand j'entends tout les problèmes que vous réglez, cette femme avec son logement et tout ça, mais c'est terrible. Il y a des moments quand même où des gens sont dans la détresse. Mais bien sûr. Vraiment. Geneviève, je vous retrouve demain sur l'antenne d'RTL ou après-demain. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Alain Hazard, qui vous aime beaucoup, va vous rappeler dans l'après-midi. Merci Geneviève. Merci. Passez une bonne journée. Hervé, il y a eu une alerte. Double alerte, cher Julien. Oula. Tout d'abord, concernant Nadège et son problème avec la Banque Postale. J'ai appelé le bon Dieu. Le service financier de la Poste s'occupe du cas de Nadège. Génial. Et on aura des nouvelles d'ici 48 heures. Et normalement, c'est 3 chèques. Est-ce que Nadège est en ligne avec nous? Nadège, vous avez entendu? Voilà, bien sûr. Oui, j'ai entendu. Bon, j'espère effectivement que ça sera réglé vite. Normalement, d'ici 48 heures, Dixit Hervé Pouchol. Oui. D'accord, Nadège, on s'appelle donc vendredi, voire lundi. D'accord, je vous fais un gros bisou. De leurs nouvelles, et puis on se recontacte. Ça marche. Hervé Pouchol, deuxième alerte. Deuxième alerte, c'est Bernard, chez Go Voyage, qui attend qu'on lui donne la parole. J'avais complètement oublié. Je suis désolé, mon Bernard. Je vais vous retrouver dans une seconde. On va s'occuper de ça, mais vous voyez, c'est le direct. C'est priorité au cas. Puis là, il y avait des cas très importants. Celui de Donato l'est aussi, mais c'est pour ça qu'on était obligé d'avancer. Donc Bernard, sur l'antenne, comment va-t-il régler le problème de Donato avec Go Voyage après ceci sur RTL? Avis aux gourmands. Du 19 septembre au 2 octobre et pour la 7e année consécutive, Tous au restaurant revient. Avec une formule à succès, votre invité est notre invité. Le chef vous offre le second menu. Des restaurants gastronomiques au bistrot, 2 semaines pour découvrir les belles tables de France. Réservez dès maintenant votre table sur le site toussaurestaurant.com. Avec RTL, Alice va tester à l'aveugle des sodas Lemon Lime. Le soda Sprite à 63 centimes le litre, puis le soda Lidl à 48 centimes le litre. Alice ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur le Sprite non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Sprite 95 centimes les 1 litre 5. Soda Lemon Lime Lidl 95 centimes les 2 litres. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le cri, c'est le terrifiant thriller de Nicolas Beugler. Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. Un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. C'est le début d'une gigantesque enquête criminelle. Et ce mystère angoissant, a-t-on fait de la peur une arme de mort ? Le cri de Nicolas Beugler, un livre Ixo. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui ? Akhena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akhena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akhena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akhena ? Chez vous, bien sûr. Akhena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akhena. Rendez-vous sur akhenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akhena, la reine des vérandas. Bon, ça tourne ? Ça tourne. Avec le programme Comme J'aime, j'ai perdu 13 kilos. Les avantages du programme Comme J'aime, c'est justement d'avoir des repas équilibrés, bons et variés. Avec mon métier, j'ai vraiment pas le temps de cuisiner. Donc le fait d'avoir les programmes livrés à domicile, c'était vraiment le déclic. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507 0800 507 507. Compte sur de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Ça y est Bernard, c'est à vous et pardon et merci à votre interlocuteur. Je rappelle que Donato nous a dit ceci sur l'antenne d'RTL. Ma fille doit se faire rembourser 480 euros par une agence de voyage. Elle a eu une confirmation en juin dernier par mail, mais depuis il n'y a plus de virement à l'horizon. Alors, vous êtes maintenant sur place chez GoVoyage. Je vous écoute Bernard. Alors, je suis donc le patron du service après-vente de GoVoyage. Il a fait une recherche très pointue. Vous nous avez bien rappelé, comme nous l'avons demandé, avec une ligne fixe. Alors, voilà, lui, il est sur une ligne fixe. Alors, passez-le-moi à lui, parce que si je vous ai demandé de rappeler sur une ligne fixe, c'est parce que les portables ne passent pas. Vous m'entendez, monsieur ? Oui, je vous entends. Je vous écoute, monsieur, allez-y. Alors, on a fait des recherches sur le cas. En fait, c'est un cas un petit peu complexe, puisque la demande d'annulation a été faite, en fait, avant que la compagnie ne mette les conditions spéciales d'annulation par rapport au virus Zika. Du coup, on a bien effectué le remboursement des taxes, puisque la personne n'a pas volé. Mais ensuite, il faut qu'on fasse une demande spéciale à la compagnie pour rembourser le reste du billet. Donc, on va se rapprocher d'eux là immédiatement, et on va pouvoir avoir une réponse à donner à la cliente très rapidement, j'espère, avant la fin de semaine. Mais si jamais ils disaient non, il se passe quoi ? Le dossier s'arrête là pour vous ? Alors, malheureusement, si la compagnie refuse de rembourser, c'est ces conditions qui s'opèrent et que D'accord. nous appliquons. Mais a priori, dans ce cas-là, Je pense qu'il y a bon espoir d'avoir le remboursement. On va en tout cas faire tout ce qui est possible auprès de la compagnie pour avoir celui-ci. Vous avez entendu Donato ? Alors j'ai entendu, ce que je déplore quand même, c'est que ça fait... il faut attendre 3 mois pour avoir cette réponse-là. Ah non mais Donato, oui. ça oui. Voilà, je comprends que vous soyez énervé, mais c'est juste le but de l'émission. Parce que s'il vous avait répondu le lendemain, il n'y aurait pas eu de soucis si vous êtes là. C'est parce que justement les situations sont bloquées, on les déplore. Puis on ne revient pas sur le passé, on va de l'avant. Donc ce monsieur, on jugera sur pièce, nous dit que normalement, d'ici quelques jours, il vous annonce la bonne nouvelle, on l'espère en tout cas. D'accord Donato ? D'accord, bah, Julien. Oui Bernard. Excusez-moi, je reprends la communication et c'est important que je donne des éléments à Donato, oui, et important. Pour les auditeurs aussi. Je vous rappelle que donc sa charmante fille a annulé de son propre chef, sans avoir justement le OK de la compagnie aérienne, ça c'est important de le signaler. Donc ça, c'est un conseil que vous donnez. Alors voilà, on va donner une règle d'or, Bernard, parce que c'est important, on est là aussi pour donner des conseils. La règle d'or de Bernard Sabat. La règle d'or sur RTL. Allez-y Bernard. Alors si évidemment vous êtes enceinte ou vous avez un risque de maladie potentielle, prenez une assurance auprès de l'agence de voyage, qu'elle soit sur internet ou pas. C'est très important, comme ça vous êtes couvert. Dans ce cas de figure, on aurait été évidemment plus rapidement couvert. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ne prenez pas l'initiative d'annuler seul, sans avoir la confirmation écrite ou évidemment de Go Voyage pour ne pas le citer, ou bien de la compagnie aérienne, car une fois de plus après vous êtes en porte-à-faux. Alors le certificat médical a été donné dans ce cas de figure, tant mieux, ça veut dire qu'on a bien confirmé que la dame était enceinte, en ce qu'on appelle un certificat de grossesse, mais ça ne suffit pas, il faut avoir des informations claires de la partie adverse, en l'occurrence, dans ce cas de figure, la compagnie aérienne. Eh bien ça marche, merci en tout cas Go Voyage de vous avoir reçu aussi rapidement, normalement dans quelques jours nous en saurons un petit peu plus. Merci Bernard, à plus tard. Merci à ce monsieur. Bon, tout est bien qui finit bien. Contente de ce... On attend le remboursement, mais je pense que la compagnie s'y est engagée commercialement et elle va le faire, Julien. Allez, c'est parti. Et nous allons attaquer d'autres cas dans une seconde. Soyez avec nous, nous reviendrons sur le cas d'urgence. On vous a parlé d'un cas d'urgence, c'est Manuel. Manuel, c'est ce monsieur âgé, dialysé 3 ou 4 fois par semaine, à qui on a coupé l'eau et l'électricité. C'est son médecin généraliste qui nous a appelé. Nous avons tout fait pour essayer de rétablir les choses. Et on a un truc à vous annoncer, vous allez voir, c'est... On va pas tout de suite péter les plombs, mais si c'est vrai, il y a de quoi vraiment. Ça sera juste après avoir écouté Julien Doré dans le 9h30-11h. Retour de Julien Doré avec un nouvel album très attendu qui sortira le 14 octobre. Voici un premier extrait et ça s'appelle Le Lac. La mer donne un nord et le lac se dessine. Courageux et fort, où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac. C'est à l'instant Julien Doré sur l'antenne d'RTL. Je voudrais qu'on revienne quand même une seconde sur le cas de Go Voyage parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Bernard, vous êtes en ligne? Je suis en ligne, Julien. Bernard, alors j'ai entendu ce qu'a dit ce monsieur de Go Voyage concernant Donato, à savoir on va lui payer une partie, mais on attend la partie de la compagnie. Mais vous l'avez le mail qu'il a reçu? Réponse de Go Voyage. En ce qui concerne la référence de réservation ci-dessus, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre remboursement a été traité et crédité. Vous l'avez montré, alors, ça, à la personne? Alors, je l'ai montré, mais pour eux, traité et crédité, c'est ce qu'ils avaient fait auparavant sur les taxes d'aéroport. Voilà comment eux l'ont traduit au niveau de la gestion financière. Quoi mais Bertrand, que j'ai quitté il y a quelques minutes, m'a dit « Bernard, je prends le dossier, d'accord. Laissez-moi un tout petit peu de temps et je vais parce le revenir vers vous. » On est bien d'accord que si Maître Felloneau et Maître Blanche-Grandvilliers, si jamais ils n'avaient pas le remboursement, rien qu'avec ce mail, il va au tribunal de proximité. Mais c'est exactement moi ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas être plus royaliste que le roi. D'accord, ils se sont engagés à rembourser, ils remboursent. Ils veulent juste, avant de rembourser, être sûr que la compagnie vient mettre un petit peu. Voilà. Si je me permets, Julien. Je vous en prie. Une légère intervention rapidement. Moi, à la limite, je n'ai rien à voir à faire avec la compagnie. Moi, mon interlocuteur, c'est Go Voyage. Non. Que non, ils mettent non, une procédure. Non. Pourquoi non, Bernard? Non, je vous arrête. Ben, je vous rappelle, vous connaissez le principe, Julien. Lorsqu'on achète un billet d'avion, sans prestation, sans hôtel, c'est un vol sec qui se passe entre, évidemment, le passager et la compagnie aérienne. Donc, exactement. Le voyage a bien voulu faire l'intermédiaire. On refait pas le débat. Mieux. Ça marche. Voilà. On refait pas le débat. On voulait juste savoir si vous étiez au courant, Bernard. Quoi qu'il arrive, je pense qu'ils vont le faire et j'en suis même à peu près sûr. Ne vous inquiétez moi, pas, Donato. À peu près sûr, hein, on se parle dans quelques jours. Mais je voulais rappeler quand même ce petit mail. Et je vous rappelle une nouvelle fois, on vous le rappelle quasiment tous les jours. Quand vous partez loin et que vous prenez un billet d'avion qui va vous coûter cher, le mieux, c'est d'entrer dans une agence, d'acheter le billet et de prendre à côté une petite location de voiture, mais même une voiture la plus pourrie qui soit, vous la louez même 2 heures si c'est possible, ou vous prenez une nuit d'hôtel dans un truc où on dort sur le trottoir, du moment qu'il y a deux réservations sur votre contrat avec l'agence de voyage, à savoir l'avion plus autre chose. Et ce petit autre chose, même si vous a coûté 35 €, ça vous sauve la mise en cas d'annulation. Hervé Pouchol, rien de particulier? Écoutez, non, rien de particulier. Je passe 2-3 coups de fil et je me tiens au courant. Parce que je pensais que c'était pour l'émission, c'est pour ça, mais je m'étais trompé. Mais de toute façon, ça tombe bien, car nous avons monsieur le responsable du RSI pour le cas de Geneviève de Fontenay. C'est Victoria Topneau. Merci Victoria, une nouvelle fois d'être avec nous. Nous vous dérangeons. Victoria, je sais oui, que bonjour. Vous vous débattez au RSI pour essayer d'avancer dans cette histoire. Et apparemment, il n'y aurait qu'une seule personne qui bloque, monsieur Dolfagne de la copropriété, président de la copropriété. Il a tous les pouvoirs alors pour tout bloquer? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est une décision qui doit être prise en Assemblée Générale de copropriété. Et vous pouvez en lancer une, vous, en Europe. Comment ça se passe dans ces cas-là? En tant que copropriétaire, on peut effectivement demander la tenue d'une assemblée générale, ce qu'on est en train de faire. Bon, vous êtes en train d'en demander une pour que ça aille un petit peu plus vite. D'accord, donc lui ne peut pas bloquer tant qu'il n'y a pas d'assemblée. En fait, c'est ce qu'il dit. Il dit si on doit changer, ça doit se passer en assemblée. Non, exactement, bon. Puisque tous les copropriétaires doivent pouvoir... Compris. Se positionner sur les décisions à prendre pour la copro. Et vous avez vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous pensez que cette réunion pourra avoir lieu quand? Nous, on aurait demandé, ce qu'on voudrait, c'est une AG début octobre. D'accord, c'est bien ça, début octobre. Oui. Bon, mais battons-nous pour qu'elle ait lieu début octobre. Super. On se tient au courant. Merci beaucoup de votre gentillesse et de votre investissement, Victoria Topneau, du RSI. Vous vouliez dire? Oui, Julien, on peut parfaitement demander une assemblée générale extraordinaire, parce que, comme vous le savez, sinon, elles n'ont lieu qu'une fois par an, on ne peut pas attendre. En revanche, c'est celui qui la demande, le copropriétaire qui la demande, qui doit supporter les frais. Bien sûr, mais ça, je pense que Geneviève, elle est prête à le faire, mais il faut vraiment qu'elle ait lieu. Cette assemblée générale, comme le chantait Charles Trenet, c'est une assemblée générale extraordinaire, qui aurait peut-être lieu début octobre. On continue dans une seconde, ça vous fait rire, Maître Felloneau? Oui. Tant mieux, femme qui rit à moitié dans le lit. Manuel. Il ne faut pas exagérer. Manuel, qui est dialysé 3 fois par semaine, à qui on a coupé l'eau et l'électricité depuis, je crois, le mois d'août, eh bien, on pensait avoir avancé et il y a eu un rebondissement de la muerte. Je vous en parle dans une seconde sur RTL dans le 9h30-11h. RTL. Le mois Carrefour. Hey, pendant le mois Carrefour, il y a de nouvelles promos complètement renversantes. Oui, aujourd'hui par exemple, pour l'achat d'un bloc de foie gras mi-cuit de la Maison du Foie Gras, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. C'est parti. Génial. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Bloc de 180 grammes, plusieurs variétés, dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de 2 produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 € d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Télérama vous invite à Télérama Dialogue. 36 invités, 36 rencontres en public. Cinéma, musique, livre, théâtre, de Karine Viard à Hubert Reeves, de Jane Birkin à Alain Badiou, au Théâtre du Rond-Point le lundi 26 septembre. Programme dans Télérama Sortir, chez votre marchand de journaux et sur télérama.fr, en partenariat avec la MGEN. La protection de l'environnement est un combat qu'on a envie de mener avec vous. Alors, chez Intermarché, nous avons décidé de distribuer gratuitement 10 ampoules LED à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur intermarché.com pour bénéficier de ces 10 ampoules LED gratuites. C'est tous unis qu'on arrivera à réduire notre consommation d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère et pour la planète. Modalité sur intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Encore un cas d'urgence dont on a parlé la semaine dernière. On se bat dès... Ça a démarré quand? Lundi, cette histoire, je crois. Voilà ce que nous a laissé Manuel. C'est un appel d'urgence. Je suis sous dialyse 3 jours par semaine et depuis le 12 août, on m'a coupé l'électricité et le gaz. De plus, je ne reçois plus mes repas journaliers. C'est son médecin traitant qui nous a appelé en nous disant « Donnez-moi un coup de main parce que j'essaie d'aider ce patient ». Alors, on a appelé tout le monde, DFNJ, on a aussi appelé le service d'action sociale, car il se pourrait, là on ne ment pas, que Manuel ait une petite dette de paiement, pas très importante apparemment, mais on ne coupe pas comme ça. Surtout qu'il y a des services sociaux qui s'occupent de ça, et quand on coupe l'électricité et l'eau, en général, il y a des fonds de solidarité qui peuvent aider. Et puis ce monsieur, voilà, il faut l'aider, il a 86 ans, dialysé 3 jours. Donc on a eu tous les services et notamment, on devait lui remettre l'électricité, je crois, Sarah, hier. C'est bien ça, Julien, et là, je suis vraiment pas contente. EDF devait donc passer hier matin. Manuel, en plus, il n'est pas en dialyse, a bien attendu chez lui, et malheureusement, ils ne sont pas passés, donc je vais voir avec eux ce qui s'est passé cet après-midi. Parce que lui, le pauvre, il doit déplacer ses dialyses dans ces cas-là, parce qu'il a attendu qu'ils viennent, et il avait déplacé ses dialyses, il a attendu pour rien. Pour rien du tout, et je comprends pas, parce que justement, j'avais eu les différents services, et surtout l'action sociale, qui m'ont expliqué qu'effectivement, il devait un peu d'argent. Pas grand-chose, mais tout ça va se régler avec un échéancier, avec la remise... Combien à peu près? On sait à peu j'ai près. Pas la somme exactement, je dois la connaître cet après-midi. D'accord, justement. Mais c'est pas énorme, c'est ce que non, vous a dit la personne. Non, c'est pas énorme, ouais. Mais ils vont l'accompagner. Par contre, je vais contacter EDF cet après-midi pour savoir ce qui s'est passé. Alors, tout simplement ça, hier matin. C'est pour l'électricité, ils sont pas venus. Et pour l'eau, alors on en est où? On en est que justement, eux, ça doit se passer cet après-midi. Eux aussi, Engie fait eau et électricité. Non, c'est une autre société qui doit se déplacer c'est, là. C'est pour ça, pour l'eau, alors ils viennent quand eux? Cet après-midi. Ah, cet justement. Après-midi, d'accord. Bon. Cet après-midi, demain, je vous tiens au courant. Merci, Sasa. Nous allons écouter, non, mais ceci étant dit, comment fait-on pour vivre sans électricité, sans eau? On lui livre même plus ses repas, il est dialysé 3 fois par semaine, 86 ans. Vous imaginez le quotidien de ce monsieur, et il y a un rendez-vous pour lui remettre l'électricité suite à l'intervention d'une radio, ils ne viennent pas au rendez-vous. C'est quand même complètement fou. Hein. Donc j'espère vraiment, je vais leur chanter, parce que par n'importe quel... Venez remettre l'électricité. Merci, Angie. Alors, nous allons maintenant redonner la parole à Hervé Pouchol. Allez, nous revenons sur notre cas, le cas de Nadège, qui a déposé 3 chèques pour un montant de 600 euros. Elle récupère auprès du guichet un bordereau d'enregistrement, et là, le bordereau est perdu. Je viens d'avoir... Les chèques, pas le bordereau. Et les chèques, bien entendu. Je viens d'avoir une nouvelle intéressante de Jacques Gourrier, de notre ami Jacques Gourrier de La Poste, qui me dit « Régularisation imminente pour le cas de Nadège, et surtout, bien entendu, elle est en découvert. » Elle n'aura pas d'agio, c'est confirmé par Jacques Est-ce Gourrier et la direction financière. Est-ce qu'elle est en ligne, Nadège? Nadège, elle n'est pas en ligne, mince, elle a dû aller faire autre chose. Oui, parce que la Poste est en train d'essayer de l'appeler, donc elle a été obligée de raccrocher. En tout cas, bravo Hervé Pouchol. Voilà. Merci Jacques. Hervé Pouchol qui nous a réglé ce problème. Voilà, les chèques seront récrédités, comme dit Bernard Sabat. Elle ne paiera pas d'agio et bravo Jacques Gourrier. Que dire? Alors, je sais qu'il n'aime pas trop parce que c'est quelqu'un de très modeste et qui n'a pas envie, mais je suis obligé de donner son nom parce que c'est à chaque fois lui qui débloque les situations. Il ne veut pas qu'il y ait de mécontents à la Poste. C'est comme ça, Jacques Gourrier. Et à chaque fois qu'on l'appelle, les problèmes sont réglés. Qu'il soit félicité. Tous ses services, il n'est pas le seul. Il a plein de collaborateurs qui travaillent avec lui et qui bossent. Voilà, ça c'est bien, on est fiers. Vive la Poste, vive la République. Oui, Blanche. Rien, je n'ai rien à dire. Juste être sûr qu'ils vont bien recréditer l'échec. Déjà, on a une première victoire. Il n'y a pas d'agio, mais quand même. Ah, ben oui. Je suis sûr de ça. En ce qui concerne Angie, vraiment, je m'adresse au patron d'Angie, je m'adresse à tout le monde. Allez lui remettre l'électricité. Il a attendu hier, il a déplacé une dialyse. Il faut vraiment qu'il avance. Vous vouliez dire Alain Hazard? Oui, on parlait d'eau. A priori, l'eau, il l'a. C'est simplement l'électricité et le gaz. Ah, pardon, on n'est pas sur l'eau. D'accord. Il a l'eau, il n'a pas le gaz. Donc c'est le gaz qui vient cet après-midi. Ça marche. Ça, Julien. Bon, je rappelle que demain, c'est le cadeau de tonton Georges. Un 5 étoiles, Sofitel l'hôtel Mauritius, l'Imperial Resort et Spa. Et vous partez avec Corsair, donc vous allez voyager dans d'excellentes conditions et vous allez vous faire 5 jours sur une île de rêve. Demain, à l'occasion de la porte ouverte, donc je vous poserai la question dès 9h30. Elle est pas belle la vie, Maître Felono, ça vous dit 5 étoiles? Parce qu'on peut peut-être essayer de gratter un petit voyage, nous aussi. Bah oui, c'est vrai, il y en a marre que tout le monde gagne. Je vous emmène vous et je vous emmène Blanche de Grandvilliers. J'en mets une dans le resort, je mets l'autre dans le spa et je garde la chambre. Vous pouvez venir, moi? Mais évidemment, parce que vous avez quelques contacts à l'île Maurice. Ah oui, Maurice. Eh ben oui. C'est pas les Mauriciennes qui connaissent, c'est Maurice. RTL est avec vous, je vous le rappelle. RTL. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors réjouissez-vous. Les séries limitées MyCanal sont au programme dans tout le réseau Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159€ par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ suivi de 36 loyers de 159€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Conditions sur seat.fr. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va mon héros, va chez Leclerc. Bonjour, c'est Michel Simès. Tous les matins à 8h15 sur RTL, je vais m'occuper de vous. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès sur RTL. Ensemble, nous allons voir ce qui est bon pour votre santé, pour votre bien-être. Ma seule obsession, ce sera votre corps. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Et puis, je vous parlerai quand même de médecine, on ne peut pas se refaire. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Alors, à demain à 8h15 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous allons faire un rapido point de tout ce qui s'est passé sans les bandes annonces, les petits messages. Nadège et le chèque, des chèques sont perdus à la poste, donc elle est, il lui manque 600€ et on lui dit aujourd'hui de payer. On vient de l'apprendre, ça va être réglé. Hervé Pouchol. Les trois chèques vont être recrédités dans les jours qui suivent et bien entendu, il n'y aura pas d'adjo. Quand c'est cas-là, quand c'est résolu, tout le monde fait ouais ouais. Mais il y a eu aussi Donato. Donato, avec sa fille qui vient d'accoucher, comme il y a le virus Zika, elle ne peut pas partir, elle veut se faire rembourser son voyage. On a eu Bernard Sabat qui nous a dit, normalement, si tout va bien, fin de semaine prochaine, elle devrait avoir son chèque. Ouais. Bien, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Geneviève de Fontenay ne peut plus rentrer chez elle. 6 mois que ce cas est sur l'antenne d'RTL. Tout le monde est d'accord, le RSI vient de nous dire, je fais faire une assemblée extraordinaire parce que le président des copropriétaires ne veut pas qui est le portail tant que les autres copropriétaires n'ont pas voté ou locataires. Ce qui est normal. Donc je vais faire en sorte qu'il y en ait une début octobre. Et qu'est-ce que nous avons eu? La maison qui a brûlé, l'assurance de Salima. Nous devrions avoir la Swiss Life qui devrait nous confirmer qu'ils lui paieront son loyer, ce qui fait qu'elle n'aura pas à payer et le loyer et le crédit. Stéphane Bern, bonjour. Bonjour mon cher Julien, je suis en compagnie. Il n'y a pas de hola pour nous. Merci, Laurent Gamelot, mon invité. Ah, merci. J'adore votre invité et j'étais en train de dire à toute l'équipe, il est temps qu'une grande chaîne comme par exemple TF1 France 2 confie un rôle, une série de téléfilm parce que je trouve que c'est l'acteur qu'on a envie de voir dans une série récurrente. Voilà. Je le dis. Vous êtes un type vachement bien, mais monsieur Cornet. Je le dis, monsieur Gamelon. Dieu sait qu'il en résout des... Non, mais c'est vrai en plus. Ferait un malheur dans une série récurrente. Mais il va l'avoir grâce à votre émission. J'en suis persuadé, mon cher Julien. Amusez-vous bien. Merci, bonne journée à vous. À demain matin, 9h30. What's the sense in sharing this one and only life? Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. I love Marie Guerrier. Il est 11h. L'information, c'est avec vous, Marie Guerrier. Rebonjour. Rebonjour, Julien. Bonjour à tous. Le département du Haut-Rhin veut conditionner le versement du RSA, le revenu de solidarité active, à l'obligation de réaliser au moins 7 heures de bénévolat dans une association, par exemple. Eh bien, le rapporteur public vient de demander l'annulation de cette disposition parce que ce n'est pas prévu par la loi et que c'est une décision politique illégal, dit-il. Le tribunal rendra sa décision le 5 octobre, nous indique Yannick Holland en Alsace pour RTL. Information RTL, l'animateur de télé Jean-Marc Morandini est entendu depuis ce matin à la brigade de protection des mineurs de Paris dans le cadre de l'enquête ouverte pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. 5 comédiens ont porté plainte après avoir participé au casting d'une web-série produite par Jean-Marc Morandini. L'animateur avait demandé à être entendu dans les meilleurs délais, il conteste toutes les accusations. Plus de 200 personnes assistent ce matin à Toulouse aux commémorations de l'explosion de l'usine chimique AZF. Le drame survenu il y a tout juste 15 ans a fait 31 morts et plus de 2500 blessés. Les sirènes ont retenti à 10h17, l'heure de l'explosion. Puis une minute de silence a été observée devant le mémorial et la stèle où sont inscrits les 31 noms des personnes décédées. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Mouninck, a allumé une bougie au pied du 31e cyprès qui mène au mémorial. L'association Mémoire et Solidarité, qui regroupe d'anciens salariés de Total, a déposé une gerbe. Nous n'avons jamais renoncé à l'exigence de vérité. Nous restons déterminés et mobilisés, disent les anciens salariés d'AZF. Le 21 septembre 2001, l'explosion ressentie à des dizaines de kilomètres à la ronde a soufflé le complexe chimique et dévasté les alentours. L'enquête a conclu à un accident. Ce matin sur RTL, vous avez pu entendre la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, expliquer qu'elle voulait faire démarrer la scolarité obligatoire à 3 ans et la prolonger jusqu'à 18 ans au lieu de 6-16 ans actuellement. RTL vous pose la question, faut-il étendre ainsi la scolarité obligatoire? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en débattre avec Christelle Rebière et Vincent Parisot dans RTL Midi en appelant le 3210. La météo du jour, c'est du temps calme avec de belles éclaircies, à l'exception de la Corse et de l'extrême sud des Alpes où des orages vont éclater cet après-midi. Et puis en toute fin de journée, des nuages sur la Bretagne annonceront l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais ce sera pour demain. Les températures cet après-midi, on attend 19 degrés à Brest, 21 à Nancy, 22 annoncés sur Lille, 23 à Paris et Biarritz, 25 à Marseille et 27 à Perpignan. Les courses cet après-midi au Croisé-la-Roche dans le Nord. Les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 7, le 6, l'As, le 2, le 9, le 3, le 13 et le 5. La dernière minute, c'est l'As, Rocky, winner. Et attention, le 4 est non partant. Il est 11h03, vous êtes sur RTL à la bonne heure. Voici Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, j'avais justement misé sur le 4. Pas de chance. On vous retrouve à Marie Guerrier à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Oui, ça c'est une chance. Là j'ai misé sur le bon cheval. Regardez, nous avons un pur sang qui est dans ce matin avec nous. Un cheval de trait plutôt. Oui. Je suis quand même plus percheron que. C'est vrai, mais Dieu sait que ça me plaît, les percherons. Ah, très bien. Le message est passé. Bah oui, j'adore. Il a racheté Perche. C'est la région qui vous inspire dans Percheron, non? C'est quoi? C'est la région. C'est la région. Ou c'est les non, c'est les chevaux. C'est les crins ou les poils au boulet. C'est Laurent Gamelon que vous entendez qui déjà se moque de moi. Oui. Mais je vais me venger. La vengeance sera terrible. C'est mariage et châtiment dont on va parler dans un instant avec vous. Je vais vous présenter de façon un peu plus convenable. Mais d'abord, je vous présente nos camarades. À la une, comme tous les mercredis, le héros et le salaud de la semaine, Stéphane Blakowski. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Ils sont sympas, les héros et salauds de la semaine? Écoutez, j'ai reçu énormément de courriers de la part de salauds qui disaient, écoutez, monsieur Blakowski, vous parlez toujours des héros, jamais des salauds. Et ben voilà, ça sera réparé. Aujourd'hui, on parle des salauds. Très bien. Qui se rassure.